Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Voici les grands titres de cette dernière édition du journal Parler en français pour son 11 janvier 2019. Quatre personnes dont l'homme d'affaires Naoum Barangiriza et l'ex-commissaire aux douanes à l'Office burundais des recettes, Joas Katanga, sont dans les mains de la justice et comparaissent depuis la prison centrale de Mimba pour une affaire de corruption. Et le ministère de l'Enseignement supérieur vient d'interdire à 9 universités et instituts d'enrôler de nouveaux étudiants pour l'année académique 2018-2019. Deux autres ont été temporairement suspendus. La qualité de leurs prestations laisse à désirer, selon un rapport d'experts des universités publiques et privées, ainsi que de la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Et des arbres autochtones sont en train d'être plantés près des sources d'eau en province Kayanza. C'est pour remplacer l'eucalyptus qui a fait tarir plus de 200 sources d'eau. Et dans la chronique environnement, nous évoquerons justement avec un spécialiste sur la question les qualités de l'eucalyptus, mais aussi les dangers qu'il présente quand il n'est pas planté au bon endroit. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. L'homme d'affaires Naoum Barangiriza, Joas Katanga, ex-commissaire aux douanes à l'Office burundais des recettes OBR, et deux autres agents à cet office ont comparu ce vendredi pour la deuxième fois devant le procureur général près de la Cour anticorruption. Tous les quatre sont poursuivis dans une affaire de corruption et sont incarcérés à la prison centrale de Mimba depuis mercredi. Le procureur général près de la Cour anticorruption, Pierre Claver Miburo, a fait savoir que d'autres personnes font objet des enquêtes dans le cadre de cette affaire. Et 9 universités et instituts privés n'ont pas le droit d'enrôler de nouveaux étudiants pour l'année académique 2018-2019, tandis que 2 autres ont été temporairement suspendus. Dans un communiqué de presse sorti ce jeudi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre Gaspard Banyangimbona appelle ses institutions universitaires à accompagner les étudiants en cours de formation jusqu'à la fin de leur cursus et à donner le rapport trimestriel d'évaluation. Eli Nibel Nibigira. L'université Ntare-Rugamba, l'université Paix et Réconciliation, université des Collines, institut supérieur de développement, institut de gestion et d'informatique, institut libre d'Afrique, institut supérieur d'ISA de Kinindo, ainsi que l'institut de l'enseignement supérieur ISET se trouvant à Lumonge, ne sont pas autorisés à accueillir de nouveaux étudiants pour l'année académique 2018-2019. À côté de ces universités et instituts interdits d'enrôler les nouveaux étudiants, l'institut africain de gestion des risques économiques et de développement international, ainsi que l'Institut supérieur de contrôle de gestion ISCG, se sont vus temporairement suspendus et leur autorisation d'ouverture retirée. Ces universités et instituts, comme contenu dans le même communiqué, sont appelés à poursuivre la formation des étudiants ayant commencé le cursus jusqu'à sa fin. Le ministre Gaspard Banyangimbona demande également que ces institutions universitaires dressent le rapport trimestriel sur leur évaluation si elles souhaitent que ces mesures soient levées. L'année académique 2019-2020 selon toujours le communiqué du ministre Banyangimbona. Le communiqué explique qu'en cas d'éventuel redoublement au cours du cursus, les étudiants vont se faire inscrire dans d'autres universités de même offre de formation que celle qu'ils étaient en train de suivre. Ces mesures du ministère de l'Enseignement supérieur interviennent après la réunion tenue entre ce ministère et les responsables des institutions universitaires pour analyser le rapport de la Commission nationale de l'Enseignement supérieur. C'était le 9 octobre l'année dernière. Elinibel Nibigira. L'organisation Parsem appelle le Conseil national de la communication à donner des éclaircissements sur la suspension continue au Burundi des médias BBC et La Voix de l'Amérique, VOA, alors que le délai de cette sanction a pris fin en novembre dernier. Le président de cette association fait également un clin d'œil aux médias de travailler dans le respect de la loi. Faustin Dikoumana l'a dit ce vendredi au cours d'une conférence de presse. Il a déclaré le lancement au sein de son organisation d'un service chargé de faire le suivi du fonctionnement des médias et du CNC, l'organe de régulation des médias. On l'écoute. Le CNC On voudrait que cet organe communique régulièrement sur certains cas pour donner l'information nécessaire, notamment sur les médias Voix d'Amérique et BBC qui ont été frappés par une sanction d'interruption des émissions de 6 mois. Mais nous nous disons qu'une sanction serait limitée dans le temps. Si la sanction arrive à échéance, je crois qu'on devait avoir des explications supplémentaires. Et c'est une prolongation de la sanction. C'est quoi la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui? On prolonge la sanction. Si la sanction de 6 mois, elle termine, et puis peut-être on dialogue autrement sur autre chose. Mais nous avons droit à l'information. Le renouveau, par exemple, avait été suspendu, mais après, on nous a repris ses activités. Et aussi, le cadre de la Radio Bonesha, Radio Bonesha, ou l'association qui gère Radio Bonesha, nous a consulté. C'est anormal, mais maintenant, on dit toujours, c'est jusqu'à quand la justice, c'est jusqu'à quand, même pour d'autres radios. Et pour l'accessibilité alors des différentes opinions sur les médias et le cadre de réponse, on voudrait quand même inviter CNC à donner conseil aux médias suivants sur ces aspects dans l'équité. Nous demandons encore au CNC de promouvoir la liberté des médias. Il faut plutôt promouvoir des enquêtes nécessaires, c'est nécessaire, dialoguer avec les médias et surtout prendre les médias au même pied d'égalité. Il faut vraiment qu'il veille à l'accès équitable de toutes les opinions sur les médias publics. Nous invitons aussi au niveau de l'accès de l'information au cadre du gouvernement de se sentir redevable. Il faut donner l'information. Également dans l'actualité, les eaux du lac Tanganyika vont être utilisées pour le transport maritime dans les jours à venir. Annonce faite ce jeudi par le ministre en charge des travaux publics lorsqu'il répondait aux questions orales des membres de la Chambre basse et du Parlement par rapport aux travaux de réhabilitation de la route numéro 3, surtout le tronçon Rumonge-Nyanza-Lac. Le ministre Jean Bosco Nzuenimana a indiqué aux députés que beaucoup d'investisseurs nationaux et étrangers déposent en surnombre des requêtes de demande de faire le transport des personnes et des marchandises dans le lac Tanganyika. On fait le point avec Evariste Nzikobanyanga. Les membres de la Chambre basse du Parlement trouvent que le Burundi est en train de perdre suite à la non-utilisation des eaux du lac Tanganyika comme moyen de transport. Lors des questions orales au ministre des Travaux publics par rapport aux travaux de réhabilitation de la RN3 tronçon Rumonge-Nyanza-Lac, le député Agathon Rwasa, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a demandé au ministre en charge des Travaux publics pourquoi les eaux du lac Tanganyika ne sont pas exploitées. Ibagi yisi yose kuzana ma ferry boat ni byiza mugabo nibaza yuko. Vous avez parlé d'un projet qui sera financé par la Banque mondiale concernant les bots. Moi, je pense qu'il faudrait également sensibiliser les investisseurs nationaux et étrangers pour qu'ils puissent amener les bateaux les plus rapides, qu'on appelle Indofile, pour qu'à part ce projet de la Banque mondiale, l'on puisse utiliser le lac comme moyen de transport le moins coûté et le plus rapide. Le ministre Jean Bosco Nzuenimana a répondu que cette préoccupation aura une issue favorable dans les jours à venir. Il explique que son ministère reçoit beaucoup de lettres de demande d'opérer dans le lac Tanganyika. Aujourd'hui, l'on voit beaucoup d'investisseurs qui déposent les lettres qui veulent acheter des bateaux afin qu'ils puissent opérer dans le lac Tanganyika. C'est une occasion de vous dire que même parmi les demandeurs figurent les Burundais de même que les sociétés étrangères. L'on constate aussi les Burundais qui veulent se lancer dans le tourisme et la pêche. Nous sommes en train de les accueillir et nous allons les accompagner. Les eaux du lac Tanganyika sont souvent utilisées pour le transport maritime pendant la saison de pluie, lorsque la route Bujumbura-Rumonge est impraticable suite aux éboulements de terre au niveau de la localité de Kijejeti. Évariste Nzikobanyanga, on parle toujours du transport des personnes et par des d'autres personnes. Eh bien, les habitants des quartiers Kigobe et Nyakabiga, passant par la rivière Nahangwa, disent apprécier le travail des passeurs. Pour ces usagers, ils gagnent du temps. Ces passeurs qui transportent d'autres personnes précisent que c'est un métier qui leur fait vivre ainsi que leur famille. C'est un reportage de Mireille Kanyang. Quittant l'avenue de l'imprimerie, je descends vers la rivière Nahangwa. Je passe près de l'établissement scolaire ISP, près des champs de maïs du côté de Nyakabiga. À l'autre rive, côté Kigobe, je vois une avenue menant vers l'ambassade des États-Unis au Burundi. En passant par le débit de boissons Omega, il y a également des champs de maïs et de palmiers à huile. À quelques pas, je trouve un groupe de passeurs. cette femme vient de traverser la rivière Nahangwa. Ici, je paie 100 francs et l'on me fait traverser la rivière. L'on me prend par les bras, seuls les hommes sont transportés au dos. Il n'y a pas de problème, on n'a pas peur de tomber dans cette rivière. Nous en avons l'habitude car nous gagnons du temps en passant ici. Nous apprécions jusqu'ici le travail de ces passeurs. Celui-ci, c'est un habitué de ces passeurs. L'on me transporte par le dos. Moi, j'ai l'habitude de passer ici, ça fait cela 8 ans. Même si la soirée tombe, je passe car je les connais. Je n'ai jamais eu de problème avec ces gens. S'il a beaucoup plu, nous sommes obligés de passer par la route goudronnée. Cet endroit-ci nous aide à gagner du temps. En attendant qu'un pont soit construit, nous bénéficions de l'aide de ces passeurs. Pour ce jeune homme quittant Kigobe vers Nyakabiga, il a dû mettre de côté ses vêtements et chaussures. Moi, je me suis déshabillé pour traverser ici, mais il serait mieux de jeter un pont ici pour qu'il y ait facilité de passer. Celui-ci, qui se nomme roi de cette rivière Nahangwa, vient de faire ce travail, ça fait plus de 16 ans. Mon travail, c'est celui de faire traverser les gens. L'homme paye 100 francs, sinon tu traverses toi-même. Ou bien, je te fais un bonus ou un lift, puis il me paye plus tard. Ça fait plus de 16 ans que je fais son métier grâce à ma force. Je l'ai fait traverser la Nahangwa. Je suis une marine ici. Les deux catégories apprécient cette traversée, du temps gagné pour les uns, un moyen de vivre pour les autres. Merci Mireille Kanyangé. Également dans l'actualité, une liste d'arbres qui vont remplacer les eucalyptus va être mise en place. Cela a été dit par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage lors de sa visite dans les communes Muruta et Matongo de la province Kayanza ce mercredi. Deogi de Rurema ajoute qu'ils vont travailler en synergie avec les autres directions générales relevant de son ministère. On écoute Deogi de Rurema. Nous nous sommes engagés à travailler en synergie. Nous avons la Direction générale de l'environnement et des ressources en eau et assainissement. Nous avons la Direction générale de l'OBPY. Nous avons également la Direction générale de l'ISABO qui travaille beaucoup sur le volet recherche en collaboration alors avec les autres directions générales comme la Direction générale de l'agriculture, la Direction générale de la vulgarisation et mobilisation. Nous allons nous mettre ensemble pour qu'on propose une liste des espaces et des essences végétales qui n'utilisent pas beaucoup d'eau que nous allons mettre dans ces espaces pour remplacer les eucalyptus et d'autres espèces qui demandent beaucoup d'eau. Mais aussi, ces mêmes services vont se mettre ensemble pour proposer une méthodologie de mettre en place une ceinture que je dirais verte pour faire quelque chose qui est d'harmonie à travers tout le pays. Vous saurez que plus de 200 sources d'eau se trouvant en Provence Créanza ont déjà tari à cause des eucalyptus qui ont été plantés au niveau de ces sources. C'est un constat confirmé mercredi par le gouverneur de cette province qui procédait à la destruction de ces arbres et du repiquage des plants d'arbres autochtones au niveau de la source de la rivière Louvoubo située en commune Muruta de cette province Kayanza. Anissa Ndaïzea a signalé que les propriétaires de ces plantations d'eucalyptus sont des personnes qui ne sont plus résidentes de cette localité et demandent à la population de déraciner ces arbres au niveau des sources d'eau. Le gouverneur de la province, Guy Téga, rappelle qu'il est interdit de vendre une parcelle obtenue de l'urbanisme et de construire sans autorisation. À travers un communiqué sorti ce vendredi, il fait savoir que ces mesures ainsi que d'autres ont été prises dans l'optique de bien se préparer à accueillir la capitale politique à Guy Téga. Compte rendu de lecture de ce document avec notre correspondant Arthur Kavavouchi. Comme c'est écrit dans ce communiqué, le gouverneur de la province Guy Téga, Venamanirambona, fait savoir qu'en collaboration avec le service de l'urbanisme, quelques mesures ont été prises. Parmi ces mesures figure que ceux qui ont reçu des parcelles des mains de l'urbanisme, il est interdit de vendre et pour celui qui ne pourra pas la mettre en valeur, il doit en informer ce service pour que ce dernier lui remette son argent. Dans ce même communiqué, il est écrit

Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Eli Kadogo, la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana, passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.